Ouais, sans motif, à niveau cas. J'ai besoin d'exprimer, extorquer mes idées. Elles sont parfois tordues, mais ça reflète mon état d'esprit. Même s'il n'y a pas mort d'homme, je sais que j'ai plus autant d'espoir. J'avais pris à Covid pour dire qu'on se sentait à l'écart. Et rien ne s'arrange en fait, toujours pas de fait, je reste le team part. Je sombre dans l'amorosité, quelle drôle d'idée d'y résister. Comment j'y parviendrai, le parvient à te renier rodé. J'y traîne trop tard, c'est ce que me rappelle ma trotteuse. Voilà mon grimoire, ça va plus, c'est ce que je crie moi. Je manque à mort de nouveautés, devant les photos, je suis larmoyant. En tête mes potes, ma beauté, je veux les garder. Je sais pas s'il y a moyen, c'est ma moyenne. 70% de mal-être, car mon bien-être, on me l'a braqué à l'arbalète. Je suis transpercé, j'en veux pour prendre mes fils de l'arbre. Bonheur c'est très passé, pour ça quelques potes fument de l'herbe. A chaque fois que ma voix s'entend, c'est la douleur qui frappe et la puissance de Satan. Fais parler mes douilles. En France comme partout dans le monde. Ok. A chaque fois que ma voix s'entend, bien glindé, pour que nos disques tournent dans ta voiture. Fais parler mes douilles. En France comme partout dans le monde. Répétez le son. Okay. Ça fait un bail que j'écris, mais pourtant personne lit Minos sans sa feuille blanche. C'est comme un père qui perd son fils. Moi j'ai Baptiste à mon actif, alors je taffe pour 10. Ça fait longtemps qu'on sort les doigts du cul pour pas que nos faves pourrissent. Alors on pose en espérant que nos sous sortent du local, car nos faces sortent du lot comme un poisson qui sort de son bocal. Et puis on se calme, loin des stars, de strass et des paillettes. Toi tu verras jamais tourner mon skeud aux galeries Lafayette. Moi j'ai failli arrêter d'écrire parce que tu pars, je peux pas m'en empêcher. Ici je me confesse comme une pastorale. Passe ton oral devant un mic, un jour fort nous serons. Cousin, y'a qu'en forgeant que les plus faibles deviennent des forgerons. L'or et l'argent, on court après, l'huissier m'a trop taclé. S'te plaît, laisse-moi ton livre, sale fils de pute. Arrête d'être trop taqué, mais bon t'inquiète. La retourne et je compte la faire tourner. Y'a que sur le plateau de la roue de la fortune que j'ai passé journée. Et Ségolène, qui pense pouvoir changer le cours des choses. Sarko, si t'es si grand, je t'invite à reprendre quelques cours des chats. Juste une écharpe pour penser, car tous mes frères saignent. Moi je ne vois pas l'avenir, j'ai la rétine brûlée par kérosène. A chaque fois que ma voix s'entend, c'est la douleur qui frappe et la puissance de Satan. Fais parler mes douilles. En France comme partout dans le monde. Ok. A chaque fois que ma voix s'entend, bien glindé, pour que nos disques tournent dans ta voiture. Fais parler mes douilles. En France comme partout dans le monde. Fais péter le son. Ok. Je fais mal à mon cœur, tous les jours à mon corps. Non, je me tue pas au labeur, mais consommateur de mort. Fumé nuit à la santé. Bêtement, j'en suis conscient, l'inconscient, je l'ai tâté depuis l'âge adolescent. Je ne m'en lasse plus et ne m'en sors pas. Mais à quoi bon quand je vois tout de suite, tout le temps, même ceux qui ne méritent pas. La faute, je tutoie et t'es foutu. Alors on se crame, ça se calme, les soucis se calment et on s'évade. Ouais, mon état d'esprit s'enflamme et nos façons de vivre sont bad. Entre crime et maladie, trouve-moi un équilibre. Des gosses entre le mercredi s'entraînent à manier le calibre. T'habites tranquille, loin de l'envier, car le devenir m'inquiète. On s'entête à le dévier vers le côté le plus bête. J'suis pas de ceux qui se balancent. Des atrocités de ce monde, atrocité la dernière chance. Notre désespoir abonde. A chaque fois que ma voix s'entend, c'est la douleur qui frappe et la puissance de Satan. Fais parler mes douilles. En France comme partout dans le monde. Ok. A chaque fois que ma voix s'entend, bien glindé, pour que nos disques tournent dans ta voiture. Fais parler mes douilles. En France comme partout dans le monde. Fais péter le son. Ok. A chaque fois que ma voix s'entend, c'est la douleur qui frappe et la puissance de Satan. Fais parler mes douilles. En France comme partout dans le monde. Ok. A chaque fois que ma voix s'entend, bien glindé, pour que nos disques tournent dans ta voiture. Fais parler mes douilles. En France comme partout dans le monde. Fais péter le son. Ok.